Déesse, déesse, quelquefois il était difficile d'être aimé. Combien on a pas de photos? C'est bon. Aucune limite non caca moteo. Allez pas si les autres n'a pas de barou et ma puta de colo. I'm gonna be kind.